Ouais. Nous c'est le Saiyajin, ça pète voir quand j'ai le M de ma jean. Cette boule, j'en vis comme un Majin. C'est le bouffe frisière, plutôt que des machines. Sans la même que des missions, démolition. Mais en manga, pas des concus dans ma vision. Dans l'addition, que mes enfants, que je graisse, couplé, je les fais en guise depuis mission. Aiko magique dans le zéro, on va les jutsu ou les zéro. Tu vas rien faire tes zéro, j'appuie sur un bouton gros, y'a zéro. Aiko magique dans le zéro, on va les jutsu ou les zéro. Tu vas rien faire tes zéro, j'appuie sur le bouton gros, y'a zéro. Stop, c'est nous les hunters, on a le nain, c'est nous les meilleurs. Aucun de vos persos nous fait peur, même sans la suite, on vous donne pas l'heure. Viser le cœur avec une chaîne, on a la tactique si tu te sens chaud. La technique que tu dégaines est déjà dans le cahier de Kuroro. Brigade fantôme, meilleur orga. Si c'est pas elle, c'est les Zodiacs. Faut pas nous envoyer des gosses, on leur enverra des Hisoka. Maté Hunter, cassé ça la frappe, et puis tous les autres, c'est du gâchis. J'ai scanné tous les mangaka, le meilleur d'entre eux, c'est Togashi. Hein? Je pense pas que vous ayez tout compris, numéro 1 depuis 20 ans, je fais pas dans le détail. Vos mangas sont pétés à ce qu'on dit, lutter sur Islou, je fais des longueurs dans le Shinsekai. Des enfants, des singes et des renards, c'est des animaux, c'est un zoo. Devrait finir en prison. Tous les fous qui croient qu'Ichigo peut survivre à zoo. Flotte de dracard, déferle sur les océans, la concurrence en PLS devant ce flot de bâtards. Tout bat de Kaido dans ses dents, Saitama plante auprès des CRS, nous n'avons rien à voir. Scénar, intrigue perso, à part Oden, Luffy, que des hagas sur ta tamé, j'ai le Hagrid, donc plus besoin de faire la bagarre. Qui veut me test, y'a qui reste pour me prendre en versus. Ils font leur messe pour que je cesse de les prendre en versus. Dragon Ball en versus, One Piece en versus, One Punch Man, Naruto Hunter, Bleach en versus. Qui veut me test, y'a qui reste pour me prendre en versus. Ils font leur messe pour que je cesse de les prendre en versus. Dragon Ball en versus, One Piece en versus, One Punch Man, Naruto Hunter, Bleach en versus. Le man c'était sympa. Black arrive le senpai, pas le temps de crier, pas le temps de graille. Quel bail, bankai, vos petits fights me blasent. Donne un sabre à Mike Tyson. Si t'es un manga où y'a plus danger, plus gang qu'un Book Eisen. Oui, je n'en realize. Tu croyais pas jusqu'au jour où ça fit. Ouais, comme Mundo, les faux s'appliquent. Tisse mes holo, cours à qui. J'étais easy, jusqu'ici, ninja reste assis. Devine Kishi, sur Itachi, c'est mon bouquin Patrick. Beaucoup de chakra, je suis dans le village. Bande oreiller, on les attend. Je suis avec Jigen, Madara Pain. On vous laisse faire la guerre avec Monsieur Satan. Question émotion, personne peut nous tester. Meilleur perso, meilleur panta. On a les meilleurs OST. On a les meilleurs openings. Que des techniques et des jutsu de bâtard. Brigade fantôme chez nous est à peu près aussi fort que Babar. Naruto, meilleur manga, mais qui dit mieux. Regarde-moi trop seulement ce que tu peux. Regarder Itachi dans les pourquoi yeux. Pourquoi vous racontez vos vies, les gars? Les gars, vous êtes tous éclatés. Que ça soit du chakra ou du ki, j'en mettrai qu'une seule et crois-moi, je vais pas rater. Ouais, j'ai du respect pour Goku, mais je donnerai pas l'heure à Vegeta. Tu t'es fait cogner par un chat. Tu vas faire quoi si je touche à ta Bulma? Je vais pas parler de gun avec sa canne à pêche. Je les fume tous, j'ai pas de pouvoir. Tiens, ça, Suke, garde ma caisse. Si t'es gentil, je donne du pourboire. Tu crois que je blague, hein? Tu crois que je blague, hein? Je ne blague jamais, c'est pas la dixième queue de Naruto. Le finance, c'est moi qui te la mets. Saitama. Qui veut me tester? Y'a qui reste pour me prendre en versus? Ils font leur messe pour que je cesse de les prendre en versus.